chez Jean Dumas Ford de Dolbeau Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de la Ligue nationale de football. On vient de parler avec Wallet du même site. Et là, maintenant, on va parler avec Tony Guzzo. On va parler de la NFL. Salut, Tony. Salut, Danny. Tony, on va parler de, du Monday Night Football. Je sais qu'on n'est pas d'accord. On s'est assis un petit peu sur les médias sociaux. Moi, j'ai trouvé que c'était un match Mickey Mouse. Ça ressemblait à un bon match de l'Arena Football League. Si tu as déjà suivi ça. Mais t'es pas d'accord. C'est sûr que la défensive, ils ont fait 3 gros jeux, là. On va se compter, on se comptera pas d'histoire, là. 3 gros jeux qui ont été responsables de 21 points à tout et partout. Mais ça reste que, écoute, là. Moi, j'aime ça un match 27-24. Pas ce que j'ai vu. Mais on a tout vu dans ce match-là, Danny. Ouais. Même à la fin, là, je pense, je sais pas, là, le batteur, même, il a fait un botté de dégagement de 68 verges. Là. On dirait que tout le monde a vraiment bien joué, là, mais je veux dire, je pense que tout le monde a bien joué, même les entraîneurs qui allaient chercher, qui appelaient le jeu comme tel. Mickey Mouse, c'est un gros, là. Je sais, on s'est assiné un peu, là, mais je veux dire, c'était quand même excitant à voir, là. T'sais, c'est sûr que c'est meilleur que 9 à 3, mais oui, un match de 27-24, je suis d'accord avec ça. Ben, on a eu des gros jeux autant à la défensive qu'à l'attaque, là. Puis notre jeune Pat Mahomes aussi, c'est bien beau, là. Il a lancé 6 passes de toucher, mais il a quand même été victime de 2 interceptions. Puis il a pris des décisions sur certains jeux aussi douteuses. Là. Donc, tu sais, on a vu on voyait un jeune corps là, aussi là, dans le match. Là. Mais ça a été. Moi, j'ai trouvé excitant. C'est, deux génies au niveau des coachs, là, Andy Reid contre Sean McVay. Là, c'était, tu sais, même, comment il s'appelle, Wade Phillips, là, à défense. Wade Phillips, qui est un des bons coordonnateurs à la défensive là, de la NFL. Là. On dit tout le temps que, comme coach, ça laisse à désirer, mais comme coordonnateur à la défensive, c'est un des bons de l'histoire de la NFL, là, Wade Phillips. Puis il est depuis 3-4 matchs, il est complètement dépassé lui-même. Puis pourtant, c'est dur à comprendre parce qu'il y a les Rams, ils ont vraiment les outils pour avoir une bonne défensive. Là. Oui, puis oui, tout à fait. Puis je pense que je le mentionnais avant le match, là, avant ce match-là, il avait quand même alloué beaucoup de points. Hein. On parlait d'au-dessus de 30 points là, par match là, pour une défensive qu'on doit, là, mais je pense que de plus en plus, puis on va en parler aussi, là, c'est que là, depuis là, cette semaine, là, on va voir, là, on va séparer les grands des petits, non, là, ouais, c'est puis là qu'on va voir vraiment. Puis ils font beaucoup de vidéos, hein, Danny. Il faut donner ça, là. Ils ont toute la technologie devant eux autres. Puis s'ils ont vraiment une équipe devant eux qui vont exécuter, ça va être intéressant de voir au Super Bowl. Je veux dire, ça va être la meilleure défensive. C'est là que ça va être la différence, là. Ça sera pas une grosse attaque. Ça sera pas 54-51, ça. Non. Puis moi, ce que je pense, c'est ce qui va arriver avec les Chiefs, c'est que, tu sais, Pat Mahomes, c'est sa première année. Andy Reid n'a jamais gagné, au risque de me répéter. A toujours eu des grosses équipes pour remporter. Oui. Puis il n'a jamais gagné. Puis je pense encore que cette année, ça va être. En tout cas, moi, c'est ça mon problème avec Andy Reid. C'est mon bug que j'ai. Là. Mais jusqu'à maintenant, les Chiefs, mais dans l'américaine, je pense qu'ils vont être ça. Ça va être eux et les Steelers, je pense. Oui. Puis en ce moment, sur le portrait, dans le portrait des éliminatoires, ben c'est les deux premiers, cette équipe-là. Après ça, c'est sûr que les meilleures équipes, on le voit plus dans la nationale, mais après les Chiefs et les Steelers, là, je vois pas grand-chose en ce moment. En troisième place, on a les Patriots. Ouais. Les Patriots ont connu quand même une certaine mauvaise séquence, là. On dirait que on commence à les connaître un peu plus, puis il manque un peu de défense, puis un peu plus de cible. d'armes au niveau de l'attaque. Fait ouais. que, mais je suis d'accord avec toi là, au niveau de l'américaine. Là, je vois pas. Je vois entre les Chiefs et les Steelers. Puis si les Chiefs continuent à gagner, on sait très bien que s'ils ont l'avantage du terrain, ben c'est très difficile à les battre au Arrowhead Stadium. Oui, puis, puis il va faire de plus en plus froid là, en décembre. Par contre, les Steelers, c'est pas quelque chose qui les nuit, ça. Donc, moi, je devais favoriser Pittsburgh-Nouvelle-Orléans en début d'année. Fait que je suis dedans. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, Danny, parce que t'as apporté vraiment un bon point. Ça va être Andy Reid qui va faire la différence. Ouais. Puis, on dirait que, ben là, il a bien, jusqu'à maintenant, il a bien géré ses matchs, mais des fois, là, on. À Philadelphie, il y avait des grosses équipes. Ouais. Il n'a jamais gagné. Mais il y a bien de la misère avec la gestion du temps. Hein? Au niveau du temps, à la fin, là, comme mais là, il y a quand même une bonne équipe, puis il y a toute une vedette. Il est déjà une vedette, mais il va être là pour longtemps. Là, mais Pat Mahomes, puis Kareem Hump, c'est une belle équipe balancée, puis une bonne défensive qui peut faire l'affaire. Mais c'est vraiment Reed qui va faire la différence. Là. Okay. Il y a des matchs en fin de semaine. C'est pas un grand cru, mais plusieurs matchs importants. Que tu gagnes, tu continues à être à espérer faire les séries, tu perds, t'es dans l'eau chaude, vraiment, là, je regardais ça, là, hier, Washington, je pense que la blessure d'Alex Smith vient de compliquer les choses, je pense que bonsoir, il est parti du côté des Redskins, Colt McCoy, c'est un bon substitut, mais de là amener les Redskins, puis les Cowboys sont actuellement sur une lancée, donc ça, c'est un match, une grosse victoire hier des Cowboys, puis moi, j'ai vu d'autres matchs importants, Seattle-Caroline, oui. Ensuite de ça, j'ai vu également Miami-Indianapolis, Green Bay-Minnesota. C'est des matchs et Tennessee-Houston. Pour Tennessee, c'est important. Pour Houston, je pense qu'eux, ils ont des très grosses chances de terminer au premier rang. Es-tu d'accord avec moi dans ces matchs-là que j'ai choisis? J'ai la même liste que toi là, pour en fin de semaine. C'est Seattle-Caroline. C'est vraiment un des mon match peut-être le plus important en fin de semaine. Russell Wilson contre Cam Newton. On disait à l'époque qu'on disait que les deux, ça allait remplacer Brady Manning. Tu te rappelles? Oui. Mais là, l'affaire, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est dommage pour les Seahawks. Ils ont quand même, mais ils ont été surprenants, les Seahawks, cette année, parce que avec toute leur fameux Legion of Doom dans défensive, qui sont toutes parties, pris leur retraite avec une nouvelle défensive, on pensait que les Seahawks auraient une équipe que peut-être de reconstruction ou attendre peut-être un autre deux ans, mais cette année, ils vont très bien. Le seul problème, c'est qu'ils s'en vont en Caroline. Hein, une équipe qui part de l'Ouest, qui s'en va en Caroline pour un match de 13h dimanche, ça va être vraiment difficile pour les Seahawks. Les Seahawks, en plus, ils ont commencé en force au niveau de la défensive. Ils ont été comme... Là, ils ont trois matchs de suite. Ils n'ont pas réussi à faire un revirement. Puis, dans les sept premiers matchs, ils en avaient fait 16. Donc, la défensive est comme un peu en panne à ce niveau-là. Et Caroline sont vraiment en feu, à domicile surtout. C'est la seule équipe avec deux autres équipes, je ne me souviens plus les deux autres, mais qui ont seulement donné 10 revirements depuis le début de la saison, donc sont très forts au niveau de l'attaque, sont invaincus à domicile cette saison, puis ça fait déjà, depuis la saison dernière, ça fait 10 de suite qu'ils gagnent en Caroline, donc ça va être un gros match serré, mais on dirait que ça va se pencher un peu plus vers les Panthers, puis vraiment là, Cam Newton connaît un gros match, une grosse saison jusqu'à date, mais les deux derniers matchs, je pense que le dernier match, on a questionné un peu la décision du coach là, pour aller sur un deux points converti qui a fait perdre un peu le match. Là. Mais oui, c'est Seattle-Caroline, c'est vraiment un match à surveiller en fin de semaine. OK. Les autres, ben, c'est important aussi, là, comme Tennessee. Je pense que Tennessee-Houston, je pense c'est un match extrêmement important pour Tennessee. Pas pour Houston, mais pour Tennessee, oui. Oui. Green Bay contre Minnesota, tu gagnes, je pense que les Vikings vont continuer à espérer un wild card, tu perds, c'est fini. Dans le cas des Vikings, ça va être très difficile. Du côté des Packers, c'est terminé. Oui, ben Minnesota, le problème avec Minnesota, c'est Kirk Cousins, j'ai vu une statistique, là, il y a une fiche de 4-12 en prime time. Il y a 4 victoires, 12 défaites en prime time. Puis on l'a vu l'autre fois, là, je me souviens plus quel match, là, que vraiment là, on le voyait pas dans des gros matchs importants. Est-ce que Rodgers puis la troupe de Green Bay vont nuire aux Vikings? Ça se peut parce que Rodgers, il a quand même une tête dure à ce niveau-là. Mm. Mais les Packers ont vraiment des difficultés à l'étranger cette saison. Ils ont mené ou ils étaient égaux au quatrième quart pour les 3 derniers matchs à l'étranger. Puis ils n'ont pas réussi à gagner. Donc, ça va pas bien. Puis là, de plus en plus, on parle que c'est la fin de Mike McCarthy. Mais quand même, Rodgers et cette équipe-là ont quand même... il y a de l'orgueil en jeu, mais j'ai hâte de voir... Moi, Cousin, j'ai jamais été un fan de Kirk Cousin non plus. Donc, ça risque d'être un match. C'est un match de dimanche soir. Là, Rodgers aime ça, performer aussi sous les lumières, sur le spotlight. Mais Minnesota... Il y a une bonne défensive à domicile. Dernièrement, se sont améliorés au sol. Minnesota doit continuer à gagner puis pour être un des prétendants au Super Bowl, mais ils sont pas dans la liste là, dans National, les Saints, les Rams, les Bears, c'est incroyable. Et là, les Cowboys qui, comme tu as dit, au niveau de Washington, avec la blessure d'Alex Smith, là, ils viennent de perdre les 3 des 4 derniers matchs, là, c'est bien beau, mais Colt McCoy, je pense pas. Donc, les Cowboys sont sur une lancée aussi. Fait que, c'est ça pour venir à Green Bay, Minnesota. Ça va se décider, mais encore une fois, l'avantage du terrain à Minnesota va peut-être les aider. OK. Tony, on s'en reparle dimanche. Moi, je vais te dire une affaire. Je suis plus de Coupe Grey dimanche, moi. T'es plus quoi? Je suis plus pour la Coupe Grey dimanche, je vais dire. Ben moi, c'est quand je regardais, tu sais, je veux dire, nous, on s'est déjà parlé. Moi, je suis pas le... Je sais qu'il y a les gens... J'ai vu ces réseaux sociaux. J'ai vu, tu sais, si t'aimes le football, t'aimes aussi la CFL. Là. C'est correct, ça. C'est justement ça. Puis Pascal Masson, c'est ça qu'il m'a déjà dit en dehors. Pascal Masson, les Alouettes, je sais pas si Colin, là. Je vous entends, mais je le connais pas personnellement. Okay. Pascal qui dit que quand t'aimes le... Parce que c'est un ancien joueur de football, là, des Alouettes puis des Stampeders, puis il l'a dit. Il dit, si t'aimes le football, t'es supposé aimer la LCF. Puis moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit sur les médias sociaux, les gens qui crachent sur la LCF, là, comment t'en as vu des vedettes, des Eric Crouch, des André Ware, des Troy Smith, des Trent Richardson, arriver dans la SCF, regarder la SCF de haut, puis se planter. Johnny Manziel, là, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est dans la SCF, mais Johnny Manziel, ça a pas été... Il n'y a pas dominé tant que ça. T'as raison, Danny, puis on peut regarder aussi le contraire. Hein. Il y a des joueurs de la LCF que, tu sais, les Warren Room, les Doug Flutie, là. Oui, Colonel Lake, qui a joué avec les Dolphins de Miami, qui est un rouage important, qui a déjà été un rouage important des Dolphins. A commencé sa carrière avec les Lions de la Colombie-Britannique. Jeff Garcia a très bien fait dans les... Je m'en allais dire ça, Puis quand ils sont allés à NFL, ils ont joué vraiment... Ils ont connu une bonne carrière à NFL, mais c'est les règlements qui font ça, puis le terrain, veut pas... tu sais, je veux dire, avant de comparer, puis on parle des pommes et des poires, là, mais la CFL, faut pas cracher dessus. C'est quand même intéressant. Moi, jusqu'à voilà, une couple d'années, j'avais des billets de saison quand sont revenus les Alouettes en 95. Je les ai suivis, puis je te dirais, avec le genre de cédule qu'on a dimanche, là, même moi, peut-être à 6h dimanche, avant le match de Green Bay Minnesota, là, ça se peut que je vais regarder parallèlement. Puis moi, malheureusement, cette saison, je n'ai pas vraiment bien suivi, mais ça se peut-tu que les Stampeders ont l'avantage dans ce match-là? Les Stampeders ont l'avantage, qui ont très mal fini l'année. Et je suis même un peu surpris de les voir là. Moi, j'avais favorisé Winnipeg parce que Winnipeg avait fini sur un momentum et Calgary avait très mal fini. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec les Stamps. Je vais quand même aller. Je vais avec Ottawa. J'ai favorisé Ottawa. Mais très bonne organisation, hein, les dernières années. C'est quoi, 3 de 4, là, trois participations en Coupe Grey en 5 tentatives. Autant c'était pourri dans le temps. Écoute, ça, je contacte Pascal Masson. Ils ont repayé, dans le temps des Riders d'Ottawa, là, c'était tout croche. C'était encore plus croche que les Alouettes, là. La plus belle preuve que c'était tout croche, on avait repêché un joueur mort. J'avais jamais vu ça dans la Ligue. Tu sais, dans le sport professionnel, tu repêches un joueur qui est décédé. Wow! Ça fait dur, ça. Hein? Ça fait dur, ça. Non, c'est... Donc, faut quand même... Tu sais, Kavis Reid, on rit bien, avec raison, moi, je suis le premier à planter Kavis Reid, là. Ouais. Mais, il y a déjà eu pire que ça, pareil, encore, comme organisation. Tony, on s'en reparle dans le cadre de vendredi prochain, puis on invite les gens à aller sur le site leblitznfl.com. On n'a pas parlé vite, Danny, rapidement. Les Colts sont à surveiller dans la course. Là. Avec Andrew Luck, là, très intéressant. Donc, il y a quand même, comme je vous dis, c'est la semaine 12, ça part du Thanksgiving pour qu'on sépare les grands des petits. Mm-hmm. Puis la course aux séries, ben là, le portrait va s'afficher de plus en plus. Là. OK, on s'en reparle bientôt. Bon dimanche, puis bon week-end. Collaborateur Tony Gouzard.